Animation complète. Depuis un certain nombre d'années, les productions cinématographiques et de télévision ont mis les zombies à l'honneur. Ce qui n'est pas pour me déplaire, bien sûr. Par contre, je crois que les producteurs auraient intérêt à consulter les professionnels du domaine, tels que moi, par exemple, dans le but de rendre les films et ou séries diffusées plus près de la réalité. On nous représente toujours les morts-vivants comme étant des créatures stupides et errantes, sans aucun autre but que de manger. Alors que ce n'est pas totalement vrai. Plusieurs zombies n'ont pas l'air de ça. Les apparences sont trompeuses. Certains zombies ont de bonnes capacités intellectuelles et sont même passés maîtres dans plusieurs domaines. Bon, ok, certains souffrent de parasites, de paresse, compulsives, se traînent les pieds, ne font que grogner et nous donnent toujours l'impression d'être dérangés, semblent absents mentalement, pendant que d'autres fixent constamment l'horloge, etc. Mais on en rencontre à tous les niveaux des comme ceux-là. Bon, vous ne me croyez pas toujours? Eh bien, seulement dans la province, il y en aurait plus de 500 000! Croyez-moi, les zombies n'ont pas seulement l'air de ce qu'on nous présente à la télévision. Il y en a des bien moins pires, du moins en apparence. Voici Réanimation, et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il se fait l'avocat des morts-vivants. Parce qu'en bout de ligne, lui aussi ne veut que leur bien, et s'arrange pour l'avoir. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Go. Fine when he dies.

realm of projection, out of the depths of your mind. It's all a vast overconscience, linked to the top of your spine. Man's a fragment of oneness, in the cosmic kenosis. Watch your own savoriness, from the sun's urgenesis. Look in the glass that's made of flesh. Just let the truth shine and reflect. Glass made of flesh. Human reflection. Human reflection. Glass made of flesh. Glass made of flesh. Made of flesh. Human reflection. Human reflection. Glass made of flesh. Made of flesh. Behind the judgments of others, you sense the fears of your pride. So can you catch your reaction before the rise of your fight? An eye that sets you on trial, looking glass for your conscience. In your mind line arrival, will you found their existence? Look in the glass that's made of flesh. Just let the truth shine and reflect. Glass made of flesh. Made of flesh. Human reflection. Human reflection. Glass made of flesh. Glass made of flesh. Made of flesh. Human reflection. Human reflection. Glass. vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Pour tout savoir sur l'histoire du blues, rejoignez-nous à Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin et ses collaborateurs. Le jeudi de 19 à 20 h à CFOU 89.1. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est Fou 89.1. C'est Fou 89.1 FM. 89.1 FM. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue à Réanimation en cette édition du 20 octobre de l'an de disgrâce 2015. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. En ouverture d'émission, nous avions un bloc canadien et qui plus est, pratiquement aux trois quarts. Ben, en fait, non, il était pratiquement en totalité montréalais. Il y avait un intrus, c'était à l'instant Levin Thompson et Strapping Young Lad et la pièce Aftermath, qui est tiré de leur troisième album, Strapping Young Lad, qui est paru en 2003. C'était la belle époque de la batterie de Gene Hoglan. C'était très présent. Ça donnait une dimension fort sympathique à cette musique. Non, c'était vraiment très, très bon. Oblivion, formation montréalaise qui a été défunte, mais qui existe toujours, probablement pour certains concerts à l'occasion, comme bien d'autres formations. La pièce Glass Made of Flesh, qui est tirée de Carnivore Motormouth, qui est parue en 1999. C'est la dernière apparition studio de Oblivion. C'est paru sous étiquette Hypnotic. Bien sûr, vous avez reconnu Voivod, qui sont des Montréalais, minimalement d'adoption. Et la pièce Forgotten Space, c'est tiré de Killing Technology, qui est paru en 1987. C'était la troisième parution de la formation Voivod, la formation classique Voivod. Un album qui démarquait déjà là les barrières qui se brisaient de par Voivod pour explorer des avenues musicales et métal en fait non conventionnelles et probablement non encore explorées jusqu'à cette époque-là. C'était sous étiquette Noise et nous avions Dead Brain Cell qui, eux aussi, oui, ils existent, parce que je parlais avec mon bon ami Tower, qui me disait qu'il avait été voir DBC il y a pas longtemps. En fait, je crois que c'est peut-être même il y a une semaine. DBC qui se sont séparés pendant un certain bout de temps, qui sont revenus, qui ont arrêté, et qui semblent être revenus, probablement pas pour des enregistrements studio, parce que il y a rien de nouveau encore qui est paru, mais tout de même, c'est quand même bien de pouvoir revoir ces formations-là. Donc, la pièce est un monument qui est tirée de Dead Brain Cells, qui est paru en 1987. C'était le premier album studio de DBC sous étiquette Combat. Ce soir, on va avoir chronique cinéma, bien sûr, comme à l'habitude. Mille pardons. Chronique musicale aussi, parce que tout à l'heure, je vais vous présenter... je vais faire un Rockmaster de moi-même. Non pas un, mais bien deux. Mais non, c'est pas des albums classiques, c'est des nouveautés. Deux formations, une qui vient de entre autres qui vient d'Australie, que j'ai bien apprécié, qui s'appelle Ouroboros, et une autre formation qui vient, si je ne m'abuse, je vais vérifier, mais je crois que c'est des États-Unis. Je vais vous le dire à l'instant, je vais consulter mon télésouffleur, qui est l'autre que moi. Oui, effectivement, c'est une formation américaine qui porte le nom de Hypoxia, qui est aussi le nom d'une maladie. Donc, tout ça à travers une reste de programmation qui, somme toute, sera probablement très ordinaire, voire peut-être même ennuyante. J'espère que non. Ben, en fait, j'espère rien du tout. Vous en serez les seuls juges à la fin de l'émission. On va continuer avec un bloc constitué de 5 formations qui, aussi, je dois dire, ont osé, musicalement parlant, au fil des années. Je parle de Death, bien sûr, je parle de Mastodon, de Gojira, de Meshuggah et de Gorgoth, c'est une autre formation canadienne, et qui plus est montréalaise. Donc, on va aller se taper une pièce de chacune de ces formations-là pour, histoire de se remémorer que le métal, là, c'est très vaste et très large. Death est la pièce A Moment of Clarity. Go! Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. Vendredi 23 octobre, 21h30. Votre café-bar Le Zénov vous présente un hommage à Georges Brassens par la formation Les Peaux de Vache. Pour une soirée de chansons françaises sur les airs de Brassens, soyez au Zénob avec les Peaux de Vache ce vendredi 23 octobre, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. T'as été tout de go, ému Margot le laissa faire, brave Margot. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. Fou 89.1 FM. 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. h 05, et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Avant cette pause publicitaire, on a eu droit à cette formation Gorguts et la pièce An Ocean of Wisdom qui est tirée de leur dernière parution de 2013, Colored Sands, qui est apparue sur Season of Mist. Et selon les informations, Gorguts serait en pré-préparation, si ce n'est pas en préparation, pour nous produire du nouveau matériel, je l'espère, d'ici la fin de 2015, mais possiblement plus pour 2016. Formation Meshuggah, une formation qui vient de Suède et qui a plus de 28 ans maintenant d'existence, et le remix, en fait le remix, leur propre remix, le remix qu'ils ont fait eux-mêmes d'une de leurs pièces, Concatenation, qu'on retrouve sur l'espèce de compilation Rare Tracks. J'ai dit compilation parce qu'il y a des inédits, il y a des versions comme dans ce cas-ci, Concatenation. Compilation, c'est un grand terme, mais bon, c'est paru en 2001 sur Nuclear Blast, Gojira, formation bien entendu française, qui sont probablement l'une des formations leaders du métal en France, et la pièce d'ouverture de l'Enfant Sauvage, soit Explosia. C'est paru en 2012 sur Roadrunner. Eux aussi, je présume qu'on devrait avoir quelque chose avant longtemps. Mastodon est une excellente pièce tirée de leur premier album de 2002, Remission, soit March of the Firehands, qui est apparu sous étiquette Relapse. Et on a ouvert avec une pièce de 1998, soit A Moment of Clarity, c'est The Death. C'est tiré de l'album The Sound of Perseverance, qui est aussi le dernier à avoir été enregistré pour cette formation, puisque ce fut le décès de Chuck Schuldiner. Côté cinéma, ben il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser qui sont à venir bientôt, dont ce vendredi. Un film qui porte le titre The Last Witch Hunter, c'est ce vendredi le 23 octobre que ça sera présenté sur grand écran en salle. Ça risque d'être intéressant, c'est à suivre, c'est à voir, sait-on jamais. À surveiller aussi en début novembre, le nouveau James Bond, le 6 novembre, le film porte le titre de Spectre, donc c'est avec Daniel Craig toujours, un acteur qui incarne James Bond que j'aime énormément. Ce qui est en salle présentement, ben c'est quelque chose qui semble être assez bon selon les chroniques et critiques que j'ai pu en lire. C'est Crimson Peak de Guillermo del Toro. C'est un film d'horreur qui semble être dans une mouvance très gothique. C'est un film que j'ai vraiment hâte de voir. Est-ce que c'était obligatoire de refaire un film sur Steve Jobs? J'en ai aucune idée. C'est une production de Danny Boyle. Je suis quand même pas un nouveau venu dans la production cinématographique. Ça met en vedette Michael Fassbender, Kate Winslet et Seth Rogen. Je sais pas, mais ça risque d'être intéressant. C'est en salle aussi également. En salle depuis très peu, mais de façon peut-être plus restreinte, c'est le film Tales of Halloween, qui est un film de Darren Lynn Bousman, qui lui non plus n'est pas un nouveau venu au niveau du cinéma. C'est 10 histoires qui sont liées l'une à l'autre par un thème commun relatif à la nuit d'Halloween. Ça risque d'être fort intéressant. J'aime beaucoup ce genre de petits concepts-là. Dans les films que j'ai vus depuis la semaine dernière, eh bien, je dois dire que je n'ai pas été nécessairement très, très gâté de par mes visionnements. Je vous parle du premier, qui porte le nom de Cymberline ou Anarchy, qui est un drame à connotation criminelle et qui met en vedette, et c'est là que ça m'a énormément surpris d'être déçu, c'est Ethan Hawke, Ed Harris et Mila Jovovich qui sont les acteurs principaux. Et c'est... En fait, je dois dire, c'est le synopsis qui m'a accroché avant de voir quels étaient les acteurs. On parle d'un leader de gang de bikers hors la loi qui est engagé dans une guerre sans fin contre la police et ainsi de suite. Je dis, oh, ça risque d'être intéressant. Moi qui est un fan de Sons of Anarchy. Eh bien, pas du tout. C'est un espèce de, je dirais, remaniement, mais je dirais peut-être même plus pastiche de Roméo et Juliette actuel. Eh bien, c'est très, très, très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Je lui ai donné un 1 sur 10 parce que je trouvais que les acteurs qui étaient dedans étaient quand même importants. Mais c'est la seule raison. Autre film qui m'a possiblement déçu, c'est The Hive, qui est un film d'horreur qui est de David Yarovesky, que je ne connais pas du tout, pas plus que les acteurs qui jouaient dedans, qui est un espèce de film de mutation, si on veut, mais c'est très incompréhensible, c'est très éparpillé. Puis je pense que c'est les meilleurs qualificatifs pour qualifier cette production-là. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi ça se passe, et c'est très ennuyant. ennuyant. Oui, c'est ennuyant, mais au moins, ce qu'on voit comme effet est pas si mal, donc je vais accorder un 3 sur 10, mais c'est un film que vous devriez éviter de toute manière. Film que j'ai été aussi surpris d'être déçu, c'est la dernière production de M. Night Shyamalan, qui s'appelle The Visit, qui est un film d'horreur avec une petite pointe d'humour noir, si on veut. Et je me suis dit, il y a un certain temps que Shyamalan nous a pas produit quelque chose et quelque chose d'assez intéressant. Je vais lui donner une chance. Et j'ai été obligé de dire que j'ai été déçu à la fin du film parce que le scénario est fort intéressant de sa conception. Il pourrait y avoir quelque chose d'avoir... Il aurait pu avoir quelque chose de fait qui est encore beaucoup plus éclaté, beaucoup plus surprenant, beaucoup plus prenant aussi. Mais malheureusement, je dois dire que c'était passablement dilué. Et M. Night Shyamalan, qui avait été habitué, qui nous avait habitué, que dis-je, à des revirements de situation, voire des fins qui sont à dénouement fort surprenant et des punches, si vous préférez, ben, je crois que les meilleures années de Shyamalan sont derrière lui. Parce que il y avait un très bon punch ici, et il a réussi à nous le gâcher en nous le rendant très... comment pourrais-je dire? Très mou, voilà. Ben, ça raconte l'histoire, grosso modo, pardon, de deux adolescents dont la mère a quitté s'est enfui de chez ses parents étant assez jeune pour épouser son professeur qui était son aîné. Et ses parents n'y ont pas pardonné et elles non plus ne sont pas parlé depuis pratiquement 20 ans. Et les grands-parents demandent à connaître les petits-enfants. Voyons, excusez-moi. Et elle laisse le choix à ses enfants d'accepter ou non. Et ils acceptent, ils vont passer une semaine complète dans un autre état chez leurs grands-parents. Et les comportements sont de plus en plus étranges. Moi, je ne donne pas le punch, je ne vous en dis pas plus. Écoutez, j'ai donné un 4,5 sur 10. J'aurais aimé lui donner plus. C'est pas mauvais, mais c'est lent. Faut aimer les trucs filmés à l'épaule aussi. Et le punch de la fin pourrait être beaucoup et de loin supérieur à ce qu'il est. Mais bon, ça vaut peut-être la peine de le voir quand même de visite. Par contre, le truc que j'ai aimé le plus est un... Bah, je suis vraiment désolé. C'est un film d'horreur à connotation fantastique qui porte le titre de Christmas Horror Story et qui raconte l'histoire de quatre groupes d'individus qui sont qui ne se connaissent pas, mais qui ont quelque chose en commun avec la veille de Noël, Christmas Eve, si vous préférez. Et le Père Noël a un jour un rôle très important dans ça. Il doit combattre une entité démoniaque qui sort la veille de Noël pour faire expier les péchés des gens. Ça a l'air banal comme ça, mais c'est vraiment pas mal bien. Et la fin est assez surprenante. A Christmas Horror Story, c'est un film de Steve Hoban et Grant Harvey. Je lui accorde un 7,5 sur 10. C'est très original. Et dans les autres choses, eh bien, je suis encore en train de continuer la saison de Narcos et je dois dire que c'est vraiment excellent. Voilà. Nous allons aller à la première présentation de cette nouveauté de cette semaine, qui est une formation qui porte le nom de Ouroboros. Et comme je l'ai dit, le Ouroboros, c'est le terme pour le symbole du serpent qui roule sur lui-même et qui se mord la queue, ou du dragon. Donc, vous avez probablement déjà vu ça comme emblématique pour diverses civilisations, ou même peut-être, je sais pas moi, emblème quelconque, peu importe. Donc c'est l'Ouroboros, une formation australienne qui vient de Sydney et qui existe depuis 2009 et qui a l'apparition de son deuxième album studio complet qui porte le nom de Emanation. On les qualifie de technical death thrash metal, alors que moi je serais beaucoup plus d'accord pour dire que oui, c'est du technical death metal, mais à connotation, je dis bien, symphonique. Une belle ambiance qui s'en dégage. J'ai bien aimé le groupe. Personnellement, je pense qu'il vaut amplement la peine d'être découvert. Je lui accorde la note de 7 sur 10. Je vais vous en faire écouter deux pièces tout de suite, qui sont les pièces titres Emanation, et c'est suivi de The Amber Light Ouroboros. Go! We die. Who do you think? Yeah. 89.1 FM. Un écrivain reste dans l'autobus, m'a dit que t'as un petit quelque chose. Hey. C'est pas assez. Retrouvez les pièces les plus jouées de la semaine, les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et quelques chansons qui ont marqué l'histoire dans C'était fou. Pour savoir ce qui se passe dans le monde de la musique alternative, c'est les palmarès C'est fou, les mardis de 15h à 18h sur C'est fou 89.1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. h 32, vous êtes à l'écoute toujours et encore. Réanimation, The Ardell Incorporated Show, et ce jusqu'à 21h, c'est-à-dire dans 28 minutes. On vient d'entendre des formations australiennes Ouroboros et deux pièces tirées de leur plus récente parution qui est parue le 6 octobre dernier, soit Emanation. C'est paru de façon indépendante. On a entendu à l'instant la pièce des Amber Light et c'était précédé de Emanations. Moi, j'ai bien aimé cet album. J'ai trouvé que c'était très correct. Ça réinvente pas la roue, bien sûr, mais encore une fois, ça me fait plaisir de dire qui la réinvente. Mais ça fait le travail. C'est par moments, il y a des petites influences Behemoth qu'on retrouve. Des petits aspects symphoniques intéressants, des arrangements qui rappellent aussi à l'occasion Hour of Penance ou Matt. Bref, j'ai trouvé ça fort correct. J'accorde une note de 7 sur 10 et je pense que ça vaut amplement la peine de découvrir cet album-là. Comme la publicité vient de le dire à l'instant, n'oubliez pas que ce vendredi, dès 11h, c'est Rock Classique en compagnie du Rockmaster et de moi-même, votre humble serviteur Dr. Pin Pendragon. Et c'est une mission qui est consacrée pour les vrais amateurs de vrai rock pendant 6 heures, de 11h à 17h. Aussi à 21h, restez sur les ondes de C'est fou parce que ce seront les méchants de matière noire qui prendront les ondes avec leur métal à tendance souvent plus progressive, ou en fait ils sont peut-être moins fracassants que moi, mais tout aussi intéressants, du moins, j'ose espérer. Deuxième présentation que je vais vous proposer dans quelques instants. Mais avant, je vous dis que la semaine prochaine, je vais vous présenter des extraits du nouvel album de la formation Grave. Album qui porte le titre assez évocateur de Out of Respect for the Dead. C'est un bon album. J'en parlerai plus en détail la semaine prochaine. J'ai bien aimé. Et aussi, un ou deux extraits de la dernière parution des Français de Gorod qui donne dans un métal à connotation death technique. En fait, je l'ai pas vraiment écouté encore. J'ai écouté seulement quelques extraits. Donc, on s'en parle un peu plus la semaine prochaine. Pour la deuxième présentation de cette semaine, je vous parle d'une formation qui est américaine, qui porte le nom de Epoxia. qui donne dans un, je dirais, old school death metal, en fait, du moins d'influence. L'album porte le titre de Despard and Death. C'est paru sur Ultimate Massacre Production. Moi, j'ai trouvé ça quand même correct, sans vouloir en faire un, tout un tabac, là. J'ai trouvé ça correct, mais je vous laisse en juger par vous-même. Je vous ai préparé deux extraits qui sont tirés de Despard and Death, soit Stygian Tombs et Schizophrenic Killing, Hypoxia. Go! What is that machine? As is fair, dark shadows whisper their horrors. I'm a living command. It's out of death. It's become a normal sight. I'm waiting for crafty powers to seek me out. If at this sign is forbidden, then life inside must be this gate, the unguarded door. For the ruin to feed this devilish need. Carnage and bloodshed. A beastly infernal child. In the flesh now mangled and defiled. Is an attack. Has become a normal state. Clairvoyant force. Granting powers to see beyond. If at this side is forbidden. And life inside must be earned. Who suspects anything in red? Knocks you out with a needle to the neck. Awakened in pain. Chains, traps, and torture. Inhuman mass, most concern. The babies inside. The unholy thirst is nurtured. Sheer ashes and feels your skin. With a psychotic, uncomfortable heart grin. I'm not just aching to ache. The missiles will discharge the festering hate. Dirt. choices qui guident nos choix. Massage me on the river, perpetual motion. Is it God of the morning or malicious offerings of an unbaptized or whose is your liberal absorb the soul in the rising of the surface, favoring the absolute sun. Epoxia. La pièce Stygian Tombs s'était précédée de Schizophrenic Killing, qui est tirée de Despondent Death, qui est paru le 10 septembre dernier sur Ultimate Massacre Production. Bah, écoutez, personnellement, je lui accorde un 6,5 sur 10, ce qui est pas mauvais, mais c'est correct comme death metal, mais c'est rien qui... pour en écouter beaucoup, c'est rien qui fracasse outre mesure. Bref... autre truc, je vous parlerai aussi la semaine prochaine, c'est un album d'un groupe australien, encore une fois, qui se disait industrial metal, il s'appelle New Project, ça reste à voir. Et je vous parlerai aussi d'un album d'une formation canadienne qui porte le nom de Ever Trapped et l'album Under the Deep. Beaucoup de choses encore à mentionner la semaine prochaine. Comme je vous le disais, dans 15 minutes, vous aurez les gens de Matière Noire qui prendront les ondes de Cifou pour continuer ce mardi métal. Et je vous rappelle que ce vendredi dès 11h, en compagnie du Rockmaster et de moi-même, c'est une émission consacrée pour les vrais amateurs de vrai rock. Rock classique. Je vais vous laisser avec non pas un entier de ce dernier bloc parce qu'il est malheureusement trop long par rapport à ce que j'aurais pu espérer passer, mais dans lequel on devrait sensiblement entendre, je présume, minimalement une pièce entière de Triptychon qui est Bollaskin House. Qui est Bollaskin House? Ben, c'est pas qui, c'est une maison, c'est le manoir d'Aleister Crowley qui avait été acheté à l'époque par Jimmy Page de Led Zeppelin. C'est tiré de l'album Melana Kasmata qui est paru en 2014 sur Century Media. Et on va tenter le coup d'aller faire un tour du côté de Hopeth avec The Leper Affinity qui est tiré de Blackwater Park qui est paru lui en 2001 sur Music 4 Nation. Donc soyez présents mardi prochain dès 19h pour une autre édition de réanimation. Et d'ici là, bien entendu, suivez attentivement ce conseil parce qu'il est très important. Allez tous vous faire foutre. Go! Ground, you want a pun? words undone. This is the ground.